Le rassemblement des agriculteurs et des membres de l'Union des travailleurs agricoles pour prêter serment à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung à la ferme coopérative de Tongbon de l'arrondissement de Hamju de la province du Hamgyong du Sud. Y en prépare les cadres intéressés, les agriculteurs et les membres de l'Union des travailleurs agricoles de l'arrondissement de Hamju. Les orateurs ont dit que la métamorphose de la campagne socialiste qui brille à travers l'histoire de la prospérité de la patrie et le changement séculaire dans le remodelage du destin de nos travailleurs agricoles sont le noble résultat du grand patriotisme, de l'amour ardent et du dévouement du camarade Kim Il-sung pour le peuple.